Chapitre 17e. Angoisse. Suite à l'arrestation de Pascalis en douceur qu'ils avaient tentée ensemble, Béranger était recherché par les antipolitiques que la Bérive avait lancée à ses trousses. Le Charron avait pu faire partir sa femme et sa fille pour Arles, où il avait de la famille, mais pour l'instant lui-même n'avait pas réussi à franchir les portes de la ville. Anicet se faisait un sang d'encre et ne savait que faire car il était tout aussi compromis que Béranger. Il essaya de minimiser les dégâts en tentant de se faire un allié de l'ami de la Constitution qui, en plein club, avait trouvé bizarre l'expédition menée par Béranger. Ce frère habitait la rue des Grondeaux et était commis aux écritures à la Hallograin. Un soir de la semaine précédente, Anicet le guetta de loin à la sortie de son travail et, prenant la rue des Gondreaux en sens inverse, fit mine de tomber sur lui par hasard. « Hé, Kérol, fini journée ?»« Ouais, » dit l'autre. « En plus, je ne me fatigue pas à marcher. »« Ben, Ségur, tu as juste la place à traverser. »« Tiens, puisque je te vois, j'ai repensé à ce que tu m'as dit l'autre jour à la chapelle. »« Ce que je t'ai dit, moi, » chercha Kérol. « Oui, au sujet de Béranger, tu te souviens ?» Tu m'as dit que tu trouvais cette expédition bizarre. C'est bien ce que tu as dit. Ah oui. Si vous aviez voulu le mettre à l'abri, vous ne vous y seriez pas pris autrement. Pourquoi ne pas avoir attendu les autres? Parce que nous ne savions pas qu'ils allaient arrêter Pascalis, tout simplement. Mais vous n'aviez pas d'ordre pour ça, rétorqua Kérol. Ah, parce que les autres en avaient des ordres. Non, pas plus que nous. Je te l'accorde. Mais si vous vouliez vraiment l'arrêter, pourquoi le faire en catimini? Vous n'avez prévenu personne. Tu peux m'expliquer pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, Béranger? Nous voulions que la justice soit rendue comme il faut, parce que nous étions presque sûrs que les antipolitiques allaient assassiner Pascalis sans rien demander à personne. Et puis tu ne m'enlèveras pas de l'idée que si nous n'avions pas été là, c'est ce qu'ils auraient fait, pour sûr. Kérol reconnut que cette hypothèse était bien plausible. Anicet tenta de pousser son maigre avantage. D'ailleurs, nous avions prévu de l'amener directement aux prisons des casernes pour qu'il soit sous la garde des militaires. Kérol gardait la tête baissée et semblait peser le pour et le contre. Anicet ajouta encore un argument. « Écoute, si nous avions voulu le mettre à l'abri, nous n'aurions pas été 10, armés jusqu'aux dents, avec des femmes en plus. Nous serions venus à 2 ou 3, avec de bons chevaux et de l'argent, pour prendre la direction de Nice ou de la Savoie. Tu n'aurais pas fait ça, toi ?»« Oui, là, je dois reconnaître que tu as raison. »« Ah, tu vois, eh bien, tu pourras le leur dire aux autres. »« Et pourquoi tu ne le fais pas toi-même ?» repartit Kérol. Anicet se contenta d'hausser les épaules. Plusieurs fois, au club, Anicet avait dit que, maintenant que la page Pascalis était tournée, on allait pouvoir bâtir la révolution sur des bases saines. Mais il sentait intuitivement que toutes ces déclarations portaient à faux et que la confiance des autres n'y était plus. Quelques jours plus tard, sur le coup des 7 heures du soir, Anicet avait déjà fermé tous ses volets quand on toqua discrètement à la porte du côté. Il entrebâilla le battant et essaya de reconnaître l'intrus dans la ruelle quasiment obscure. Depuis 6 heures, la neige tombait régulièrement, feutrant les bruits et étouffant les échos. « Anicet, c'est moi, moi, Béranger !»« Ouh, pauvre ! Entre vite qu'on ne te voit pas !» Suite à la flambée de violence des journées du 12 au 14 décembre, la municipalité avait demandé aux habitants d'Aix de rentrer chez eux dès la nuit tombée et d'y rester bien tranquillement. Toute allée et venue nocturne, tout rassemblement était immédiatement signalé comme suspect. De plus, Anicet se faisait un sang d'encre et ne savait que faire, car il était tout aussi compromis que Béranger. Sa venue chez lui à 1 heure tardive l'alarma donc au plus haut point. « Qu'est-ce ? » demanda-t-il. « Ils ont mis des gars en faction devant chez moi et je suis sûr que c'est pour m'arrêter. Ils ne savent pas où j'en suis, mais ils attendent que je sorte ou que je rentre. Ils se disent que le renard reviendra bien au gîte. » « Oui, je comprends. Ils veulent faire ça discrètement, comme un enlèvement, c'est ça ?»« Exactement. Je suis sûr qu'ils n'ont pas l'ordre de m'arrêter. C'est encore un règlement de compte façon rive. »« Tu as raison. Et aller te plaindre n'arrangera pas les choses. » Béranger tournait en rond dans la cuisine d'Anicet. Manon va lui faire la bise et comprit immédiatement que les choses allaient mal. « Il faut que tu te caches, » dit-elle, en attendant que ça se calme. « Ça finira bien par s'arrêter un jour. »« Ouais, » dit Béranger, songeur. Ça s'arrêtera quand Rib aura crevé. Mais où veux-tu que je me cache? Tous les antipolitiques me connaissent. Aux portes, il y en a toujours au moins dans chaque tour de garde. Et si on le cachait dans la cave de Corentin? Dit Manon. Cette fois, Jeanne sera au courant. Alors il ne manquerait de rien. À moins qu'on demande à Hyacinthe. Il doit bien y avoir un réduit quelconque dans sa maison, proposa Anicet, voulant éviter de nouveaux ennuis à Corentin. Je vais de ce pas le lui demander. En même temps, j'observerai un peu les alentours. Anicet enfila une pèlerine et, parvenu devant la porte de Hyacinthe, il réalisa un peu tard que ses déplacements, de même que ceux de Béranger, devaient être bien visibles dans la neige. « Bon, se dit-il, ce n'est pas forcément suspect puisque je vais le voir tous les jours. » Il dut tambouriner un bon moment à la porte du cordonnier pour que Hyacinthe lui ouvrit enfin. « Dépêche-toi, il faut que je te parle, » lui dit-il. Il expliqua succinctement ce qu'il attendait de son ami. Ce dernier commença par pousser les hauts cris. « Tu exagères, Anicet. Ce n'est pas parce que je suis gentil qu'il faut me prendre pour une poire. Je ne le connais même pas, cet homme. Ben justement, jamais on ne pourra soupçonner que tu le caches. Je préférerais te cacher toi, parce que j'ai l'impression que tu vas en avoir besoin. Oui, mais moi, c'est justement chez toi, chez Jeanne ou chez Corentin, qu'on va me chercher en premier. Tu penses bien que j'ai pensé, tandis que pour Béranger, tu ne risques pas grand-chose. » Finalement, Hyacinthe se laissa convaincre. Au fond de son logement, il avait une espèce de resserre qui communiquait avec le corridor de l'immeuble voisin, donnant sur la rue Saint-Laurent. Ainsi, en cas d'alerte, Béranger pourrait toujours fuir par cette porte dérobée. Après lui avoir donné quelque chose de chaud à boire et à manger, Anicet amena donc Béranger chez Hyacinthe et revint promptement chez lui sans lanterne. Manon referma la porte sur lui et l'interrogea. « Et après, qu'allons-nous faire maintenant ?»« Ne me pose pas des questions auxquelles je ne peux pas répondre, » rétorqua Anicet. « Demande-toi plutôt ce que nous ferons s'ils viennent me chercher. » Manon se jeta à son cou et le serra très fort. « On est heureux ensemble, mais je trouve que le bon Dieu nous le fait payer bien cher, » dit-elle. « Le bon Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté des hommes, » lui fit remarquer Anicet. Quelques beaux lambeaux de son éducation religieuse lui restaient encore, mais c'était sans compter avec le sens critique de Manon, attiré par un certain athéisme. « Ah oui, autrement dit, Dieu ne se préoccupe que des gentils, pas des méchants. Pourtant, c'est justement ce qu'il devrait faire, s'il se souciait vraiment du bonheur des hommes. » Mais non, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas Dieu qui met la méchanceté dans le cœur des hommes. Ah oui, suis-je bête? C'est le diable, bien évidemment. Repartit Manon avec un sourire malicieux. Tu m'énerves, dit Anicet en l'embrassant pour la faire taire. Vers minuit, la neige recommença à tomber sans bruit et la couche finit par atteindre plus de 20 cm à l'intérieur de la ville. Anicet s'en rendit compte par le carreau de la cuisine en allant boire à la cruche. Ainsi, les traces de la veille étaient recouvertes, et il se rendormit donc plus rassuré. Mais, vers 5 heures du matin, on tambourina à sa porte sans ménagement. Réveillé en sursaut, le couple perçut des voix à travers la porte devant laquelle il devait y avoir 3 hommes au moins. Anicet répondit un oui, sonore, pendant qu'il passait un pantalon à la hâte. Il bénit le ciel d'avoir mis Béranger à l'abri, mais se demanda avec angoisse si ce n'était pas lui qu'on venait chercher. « On sait que Béranger est chez toi. » « Nous venons l'arrêter, » dit l'un des 3 hommes en poussant la porte d'autorité et en bousculant Anicet. Ce dernier jugea plus opportun de ne pas regimber et laissa entrer l'intrus. « Béranger n'est pas chez moi, » répondit-il calmement. « Vous pouvez fouiller. »« Un homme passe et Géinard, » répondit celui qui devait être le chef en poussant Anicet. Ce dernier, ne supportant comme toujours ni l'injustice ni la violence gratuite, gêna cette fois son passage. « Attendez. » « Avant de commencer, vous allez me montrer l'ordre écrit qui vous autorise à arrêter Béranger et à rentrer chez les gens. »« Dis-toi, tu ne vas pas me mettre les cornes à l'envers de bon matin. Allez, écarte-toi avant que je m'énerve. » Manon, restée en retrait, se dit que son amant cherchait les ennuis. Quelle tête de mule! C'est lui qu'on allait finir par embarquer, et Manon n'était pas de taille à s'interposer. Les 3 hommes pénétrèrent à l'intérieur du logis. Aussitôt, ils réclamèrent de la lumière et firent voler les rouleaux de tissu, déplacèrent les meubles, ouvrirent les armoires, tandis que le sang bouillait de plus en plus dans les veines d'Anicet. Manon se servit un gobelet d'eau à la cruche. Un des hommes voulut le lui arracher des mains, mais elle résista. « Bé, elle a du caractère, la bougresse. Et en plus, elle est poulidette. Regardez-moi ça, » s'écria-t-il en plotant les seins de Manon. Mal lui en prit, car cette dernière lui cassa la cruche pleine sur le bras. Un des 2 autres voulut la corriger, mais Anicet, plus rapide, l'assomma avec un tabouret. En lice, il ne restait donc qu'un des sbires qui commençait à se poser des questions. « Tu vois, » dit celui qui se tenait le bras en gémissant, « je t'avais bien dit qu'il fallait venir plus nombreux. Ce sont des diables, cette engeance. Ferme-la, » rugit Manon, « ou je te casse la tête cette fois. » « Alors, citoyen, qu'allons-nous faire de toi maintenant ?» dit Anicet d'un ton sifflant, tout en tournant autour de l'homme qui avait dégainé son sabre. Ils tournèrent deux ou trois fois dans la pièce exiguë, s'étudiant l'un l'autre, Anicet s'étant armé d'une forte canne de noyer servant à mesurer le tissu. Soudain, l'homme se fendit en avant pour porter un coup d'estoc décisif. Anicet esquiva le sabre et du bout de sa canne frappa son adversaire au plexus solaire. Le souffle coupé, l'homme tomba à genoux. Au même moment, Manon, armé d'un poêlon de terre, lui asséna sur le crâne un furieux coup. Le brigand s'écroula, inconscient. Pendant quelques secondes, les deux amants restèrent silencieux, les bras ballants et la bouche ouverte, tout ébaubis de leur audace. Mettre hors d'état de nuire trois hommes en si peu de temps n'est pas permis à tout le monde. Puis ils se remirent de leur surprise et se dévisagèrent, anxieux. L'homme blessé au bras était encore conscient. Il avait assisté à toute la scène et constitué un témoin gênant. Il fallait réagir vite pour se sortir de ce mauvais pas sans perdre trop de plumes. Manon s'habilla à la hâte et courut chez Corentin, pendant qu'Anicet surveillait les agresseurs. Le couple venait juste de se réveiller. Manon raconta succinctement l'événement qui s'était déroulé. Elle proposa à Corentin de venir l'aider à surveiller les trois sbires pendant qu'Anicet irait prévenir la garde nationale. « Et que vas-tu leur raconter ?» demanda Corentin une fois chez Anicet. « La vérité. »« Ah, et quelle vérité ?» reprit Corentin, surpris de l'aplomb de son ami. « Eh bien, que trois brigands ont cherché à pénétrer chez moi pour me voler et violenter ma femme, et qu'à nous deux, nous avons réussi à nous défendre, mais que c'est maintenant la justice qui doit s'occuper de ces forbans. »« Ouais, » maugréa Corentin, peu convaincu. « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'eux ? Je ne vais tout de même pas les découper en morceaux, les enterrer derrière Saint-Sauveur. » Et si on les jetait tout simplement à la rue ? Mais Béligas, ils m'ont rameuté les leurs et nous tombaient dessus à une vingtaine. Ils n'hésiteront pas à nous tuer, j'en suis persuadé. Non, il faut que la garde les mette à l'ombre pendant quelques heures au moins, pour nous laisser le temps d'échafauder un plan. Bon, conclut Corentin tout en s'habillant, si les autorités te prennent au sérieux, ça peut marcher. Oh, mais j'en appellerai au Bismarck s'il le faut. Il me connaît et c'est bien que je ne suis pas une fripouille. Puis les trois amis ligotèrent les trois hommes. Les deux assommés commençaient déjà à se réveiller. Anicet partit. Corentin interrogea l'homme qui tenait son bras gauche endolori. « Mon ami est allé chercher la garde. Qui vous a ordonné de venir arrêter Béranger ? Pourquoi imaginer qu'il était ici ?» Après s'être fait un peu malmené, l'homme finit par avouer que l'abbé Rive leur avait fait miroiter une prime s'il parvenait à mettre la main sur Béranger et à compromettre Anicet. Mais la justice n'était absolument pour rien dans cette démarche. Sentant qu'il tenait là un sujet intéressant, Corentin promit un dédommagement si l'homme voulait bien lui fournir quelques informations. De fil en aiguille, Corentin apprit ainsi qu'une guerre larvée avait été déclenchée par Rive contre les amis de la Constitution et que la municipalité, sentant le pouvoir lui échapper, avait décidé d'être intraitable sur toute action tendant à monter les citoyens les uns contre les autres. Le projet d'Anissa avait donc une chance d'aboutir. À la mairie, en raison de l'heure plus que matinale, le tapissier eut toutes les peines du monde à se faire recevoir par l'officier de garde. Il dut menacer de faire intervenir le vice-maire si on ne répondait pas à sa demande d'appliquer la justice et la protection des citoyens. Une bonne demi-heure plus tard, Anicet revint donc avec un peloton de la garde nationale. L'officier ne voulut rien entendre aux récriminations des brigands qui plaidaient bien évidemment leur innocence. Pour leur défense, ils alléguèrent simplement qu'ils étaient venus chercher un citoyen qui n'était pas là, sans autre explication. Lorsque les soldats voulurent emmener le blessé au bras, Corentin leur dit que celui-ci ne faisait pas partie de la bande, mais qu'au contraire, il avait tenté de s'interposer. Dans la bataille, l'un des deux autres l'avait blessé au bras. Ce mensonge valut à Corentin des crachats haineux des deux autres, crachats distribués équitablement sur le rescapé. Les gardes partis, les trois amis se concertèrent, tout en gardant un œil sur le malandrin qui souffrait toujours. « Je t'ai peut-être cassé le bras, » avoua Manon. Nous allons t'emmener à l'Hôtel-Dieu pour te faire soigner. » D'un bout de tissu, elle lui fit une écharpe dans laquelle il put reposer son bras gauche. « Quand ils m'auront retrouvé, ils vont me démolir, » s'écria l'homme. « Vous m'avez évité la prison, mais pas la mort. Écoute, nous trouverons une solution. Puis après tout, c'est bien toi qui t'es mis dans la mouise, non ? Alors n'en demande pas trop. Au fait, pourquoi êtes-vous venu spécialement chez le tapissier pour chercher Béranger ? Vous auriez pu aller directement chez lui. » On a perdu la trace de Béranger. Et on sait qu'ils se fréquentent avec ton ami. Ça faisait quelque temps qu'on les avait à l'œil. Tu veux dire que vous avez enfin, que Rive plutôt, a quelque chose contre mon ami ? Pour le tapissier, on ne savait pas trop s'il s'était fait avoir par l'autre ou s'il était vraiment partie prenante de l'affaire. Remarque maintenant, vu la façon dont il a réagi, il n'y a plus de doute. Pour ça, je ne peux pas te répondre, continua Corentin, ne voulant donner aucun indice aux sbires. Oui, toi, je sais que tu n'étais pas dans l'affaire, quoique maintenant, d'une certaine façon, tu y es mouillé, remarqua l'homme. Bon, eh bien, tu vas faire comme si tu ne savais rien. Sinon, au lieu d'aller à l'Hôtel Dieu, on ira à l'Hôtel de Ville, ou à la morgue, compris ?